Michel Barbe qui a bien voulu nous rendre visite aujourd'hui. Michel Barbe est un professeur d'histoire à la retraite, mais il a plusieurs sujets qui l'intéressent et sur lesquels il a travaillé. Donc quand nous avons pris contact avec lui, il nous avait proposé de parler de la commune, de la place de la religion à l'école, mais également d'un sujet qui est peu connu et dont c'était l'anniversaire l'année dernière, mais qui est un peu passé inaperçu, c'est les réactions au coup d'État de Napoléon III, dont les réactions les plus importantes ont eu lieu dans le sud-est de la France, en Occitanie, particulièrement en Provence et dans la Drôme. Et sujet qui, moi personnellement, m'a d'autant plus intéressé que c'était dans la famille, on parlait d'un aïeul qui avait été enfermé dans le donjon de Cray. Et les insurgés de la Drôme, il y a un bouquin qui a été fait il y a quelques années, donc, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, en débattre, si tu le connais ce bouquin. Non, et donc les insurgés de la Drôme ont été enfermés dans ce donjon de Cray qui a été réouvert spécialement pour eux. Donc je te laisse la parole. Merci, bonjour tout le monde. Eh bien, l'occasion de cette discussion, de cet exposé, vient donc que le 2 décembre 2001, a été le 150e anniversaire donc du coup d'État de Napoléon III, et il s'en est suivi immédiatement une répression assez sauvage, mais qui a été relativement bref sur le territoire, à Paris d'abord, et ensuite dans le sud-est et même un peu dans le Languedoc, hein, du côté de Montpellier, de Béziers, et tout de suite après, l'oubli a été installé par le régime lui-même de Napoléon, qui a fait que tout a été occulté. La révolte contre le coup d'État n'a pas submergé le pays, il n'y a pas eu de guerre civile dans laquelle les deux camps étaient dans des rapports de force tels qu'il pouvait y avoir un doute sur l'issue. Ça n'en faisait aucun doute, au contraire, c'était l'appareil d'État soigneusement mis en place et préparé par Napoléon III, qui a très rapidement balayé toute résistance dans notre région. Et par conséquent, la République numéro 2, qui a donc donné naissance par son développement et ses contradictions au coup d'État de Napoléon, a été quasiment occultée. On en trouve quelques traces minimes dans les manuels d'histoire de première, de seconde et de première, quelques lignes. On dit qu'il y a eu un coup d'État qui a mis fin à cette république qui a duré 3 ans et demi. C'est la plus brève de toutes nos 5 républiques. Bientôt, on va peut-être parler d'une 6e république. Nous sommes dans un moment de grande turbulence politique dès que les institutions sont touchées d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, cette occultation s'est traduite par le fait qu'il y avait un paragraphe où l'on montrait la révolution de 1848 avec la plantation d'arbres de la liberté, où tout le monde était plus ou moins en train de danser, d'être d'accord, de s'embrasser. Ça a donné ce qu'on a appelé l'état d'esprit 48-art. Mais en réalité, cette république qui se situe dans la tradition française des républiques était synonyme de révolution. Il n'y a pas de république en France qui ne naisse d'une révolution, et principalement compte tenu de l'histoire centralisée de la France sur Paris, d'une révolution parisienne, puisque c'est là que les prolétaires sont le plus concentrés, où l'histoire a permis de faire en sorte que la conscience soit la plus développée, la plus aiguë, la capacité d'organisation dans des organisations c'est là qu'elle a été le plus développée, y compris bon, ensuite dans les grandes villes comme Lyon et Marseille. Mais la direction politique en France, c'est Paris, parce que le prolétariat y est concentré et que c'est là qu'il y a toute l'histoire, en particulier celle de 1789. Et cette république, alors on ne peut absolument pas comprendre le coup d'État lui-même du 2 décembre, qui a été une réussite complète pour Napoléon III, même s'il y a eu une certaine résistance et un certain nombre de gens qui ont été écrasés, fusillés, exilés et tout. De toute façon, c'était rien par rapport à la victoire. Ça n'a rien à voir avec la Commune de Paris, quelques années plus tard, d'ailleurs, qui marque la chute de ce second empire et qui par conséquent est le résultat de cette période. Et la République, comment dirais-je, la République n'est pas conçue, n'est pas reçue, n'est pas éclairée en France d'un point de vue institutionnel. Les institutions d'une République qui naît d'une révolution sont écrites après la prise du pouvoir et non pas avant. Et par conséquent, la constitution écrite représente le rapport de force qui a résulté de la prise du pouvoir et des rapports de force internes des classes sociales qui sont en contact, qui sont en présence et qui, à un moment donné, lorsque la période de la prise du pouvoir, j'allais dire militaire, institutionnelle par les combattants eux-mêmes sur le terrain, eh bien, lorsqu'ils se partagent le pouvoir, se traduit par un texte qui dit voilà comment on fera pour vivre ensemble après. C'est la Constitution. C'est donc le texte de la loi des lois, celle qui est au-dessus des autres lois et qui permet aux autres de fonctionner. On voit aujourd'hui en France, avec ce qui se passe, qu'il y a eu un ébranlement de la Constitution de la Ve République, qui d'ailleurs avait déjà été ébranlée dans son histoire de différentes manières. Et par conséquent, tout le monde s'interroge sur est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'elle va continuer. Donc le problème, il est quasiment permanent. La France est le seul pays au monde où en un peu plus de 200 ans, on a eu un tel nombre de changements de régime politique. Quand on en fait la liste, pour quelqu'un qui est calme, qui veut vivre dans un monde où les choses sont prévisibles, il est effrayé. Les autorités politiques aux États-Unis, de la presse, disent actuellement, et depuis un certain temps déjà, que la France est imprévisible, complètement imprévisible. Je pense qu'ils ont raison. C'est imprévisible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les 15 jours, dans le mois qui suit, dans les 3 mois. Eh bien, 1848, le 24 et le 25 février 1848, c'est l'insurrection à Paris. Paris se couvre de barricades. La garde nationale refuse de tirer sur les insurgés. Et comme la garde nationale bourgeoise refuse de tirer, l'armée refuse de tirer elle aussi. Dans ces conditions, le roi est obligé de faire son pactage et de s'enfuir en Angleterre, où il est accueilli, bien entendu, par la reine. Il ne veut pas subir le sort emblématique du roi Louis XVI qui a laissé sa tête sur la guillotine du docteur Guillotin. Et par conséquent, tous les rois qui ont suivi l'abolition de la monarchie en France, la véritable abolition, et qui sont venus ensuite en visite pour remettre sur pied une monarchie, étaient terrorisés à l'idée qu'ils allaient éventuellement pouvoir y laisser la tête. Et donc, dès que les conditions étaient réunies à Paris d'une difficulté à assurer le pouvoir, c'était la fuite est perdue, obligatoirement. Charles X, Louis-Philippe, même Louis XVIII avant Charles X, les frères de Louis XVI, lorsqu'il avait été ramené dans les fourgons des alliés qui avaient fait tomber Napoléon, et qui revient ensuite après les 100 jours, sa terreur c'est « je ne veux pas me faire couper la tête ». Et par conséquent, il organise son pouvoir de manière à ce qu'il ait la tranquillité. Je ferme cette parenthèse parce que comment comprendre cette révolution de 1848 qui va se terminer après un temps très bref, qui va se terminer par ce coup d'État qui va ouvrir la voie à un régime dictatorial, policier et militaire, dans lequel la bourgeoisie a quasiment les pleins pouvoirs, en se dotant de ce personnage curieux, un aventurier, un peu de repris de justice, qui se targue d'être le neveu du précédent, de son oncle, et qui par conséquent, sous prétexte de ce nom, aurait une autorité politique particulière. Et il gagne. Et par conséquent, tous les livres, tous les manuels, tous les ouvrages font de la victoire de Napoléon le succès d'une personnalité exceptionnelle. Napoléon aurait été un personnage particulièrement malin, intelligent, roublard, capable de réunir autour de lui les principales forces, et par conséquent c'est un succès personnel. Personnel, alors que Karl Marx, qui a été celui qui a étudié avec une minutie extraordinaire cette période-là, puisque quasiment la France constituait pour lui ses travaux pratiques, c'est incontournable, si on veut comprendre cette période, de lire le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui fait suite, c'est un texte beaucoup plus relu et complet par rapport au texte précédent qui s'occupe de la même période, mais qui va de 1830 à 1850. Et le 18 Brumaire reprend bien entendu avec le coup d'État et la suite. Eh bien, Marx dit ceci, est-ce que je vais le retrouver, à propos de Victor Hugo. À propos de Victor Hugo, puisque nous sommes aussi dans l'année Victor Hugo, eh bien Marx lui règle son compte de la même manière que son gendre, Paul Lafargue, qui a écrit un remarquable petit pamphlet qui s'appelle « La légende de Victor Hugo », dont je vous lirai un petit passage aux éditions « Mille et une nuits ». Et alors il dit ceci, « Parmi les ouvrages qui, à peu près à la même époque, traitaient le même sujet, deux seulement méritent d'être mentionnés. Napoléon le Petit » de Victor Hugo et Le coup d'État de Proudhon. Victor Hugo se contente d'invectives amères et spirituelles contre l'auteur responsable du coup d'État. L'événement lui-même lui apparaît comme un éclair dans un ciel serein. Il n'y voit que le coup de force d'un individu. Il ne se rend pas compte qu'il le grandit ainsi, au lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Proudhon, lui, s'efforce de représenter le coup d'État comme le résultat d'un développement historique antérieur. Mais sous sa plume, la construction historique du coup d'État se transforme en une apologie du héros du coup d'État. Il tombe ainsi dans l'erreur que commettent nos historiens soi-disant objectifs. Quant à moi, je montre, par contre, comment la lutte des classes en France créa des circonstances et une situation telle qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. Donc on a là, et bien entendu, c'est la méthode de Victor Hugo qui est encore utilisée aujourd'hui dans les manuels d'histoire, et on ne peut pas comprendre la genèse et la réalité interne de cette lutte des classes qui a permis l'arrivée de cette Seconde République, qui a été très brève, donc les conditions qui lui ont donné naissance, les conditions de sa transformation interne, et les conditions du coup d'État qui ont permis à ce personnage grotesque de pouvoir prendre le pouvoir. Alors donc, il faut qu'on y revienne. Et qu'on reparle là, dans cette affaire, de la grande révolution, 1789-1793, qui donne naissance à la première République en France. Pour les révolutionnaires, 1789 et ensuite jusqu'à 1792, avec la proclamation de la République le 21 septembre 1792, pour eux, ce n'était pas la première République, c'était la République tout court, c'est évident. Et si nous en sommes au numéro 5 aujourd'hui, avec toute une analyse particulière sur la numéro 5, c'est bien qu'il y en a eu 4 avant. Mais en réalité, les 4 qui ont précédé la 5e ne sont qu'une résurgence de la République née en 1792, de la prise des Tuileries, du renversement complet du roi Louis XVI, qui perd toutes ses prérogatives, et par conséquent, cette République va rapide, parce qu'elle est née d'une révolution, ce qui est absolument insupportable. République égale révolution. Ça n'égale pas un texte juridique. Ça n'est pas un texte juridique qui ferait que tout à coup un nouvel équilibre se produirait dans la société. Il est le produit donc d'un ébranlement fantastique, d'un séisme social qui fait que tout doit être repensé et recomposé du point de vue des relations que les classes sociales ont entre elles. Or, la différence entre la révolution de 1789-92 et celle de 1848, c'est qu'en la première, la bourgeoisie qui qui s'est constitué d'un point de vue moral, intellectuel, culturel, pendant tout le XVIIIe siècle et même avant, à travers ce qu'on appelle les Lumières, se constitue avant, en direction politique, culturelle. Elle occupe le terrain de la société dans sa totalité. Il n'y a pas une cellule, un endroit de la société où elle n'ait pas la légitimité pour elle. Elle est donc à la fois classe qui aspire à être dominante, elle l'était quasiment déjà, sans en avoir le pouvoir, et elle savait qu'elle était la classe totalement dominante et légitime, parce que ses adversaires, qui sont le clergé et la monarchie, l'appellent le tiers-état. Le tiers-état, et le tiers-état, c'est tout, c'est la société tout entière. Les curés, ils étaient cette espèce de superstructure qui suffisait de se remuer un peu pour qu'elle tombe par terre, qui puisait les impôts et tout, et la noblesse arrivait au bout de course. Par conséquent, les seuls qui avaient une légitimité, hein, c'était qu'est-ce que le tiers-état ? Le tiers-état, c'est tout. Et il n'est rien, il n'a aucun pouvoir sous la monarchie, donc il va le prendre. Et donc, la main-d'œuvre politique, la main-d'œuvre concrète qui va prendre la Bastille, qui suit ensuite dans les grandes journées, qui s'arme donc, qui va dans les grandes journées régler ses comptes successivement avec le roi, avec la monarchie, avec les anciennes institutions féodales, ce personnel politique, c'est le peuple de Paris. Mais ce peuple de Paris, il n'est pas constitué en classe dans sa conscience. Il renverse l'ordre ancien dans un consensus absolu avec les responsables intellectuels de la Révolution qui constituent la direction politique, les Robespierre, tous ces gens-là, y compris dans le clergé. Et par conséquent, lorsqu'elle prend place à la tête du nouveau régime politique, cette classe a la totale légitimité de mettre en place les institutions qui vont permettre à la bourgeoisie d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire cette classe sociale d'entrepreneurs, de capitalistes, qui vont transformer la société de l'intérieur et qui vont passer de ce qu'on appelait le corporatisme des corporations d'anciens systèmes au système de la libre entreprise, qui fait que la classe ouvrière va naître de ce système, la classe ouvrière moderne, nouvelle, alors qu'avant, c'était une classe composée de compagnons, de travailleurs, mais qui n'était pas, comme vous le savez, une classe constituée et qui avait une conscience d'être. Par conséquent, cette classe ouvrière va naître de la révolution bourgeoise de 1789-92 et elle va renverser, moderniser, transformer avec une vitesse incroyable par rapport à l'histoire qui a précédé la monarchie, qui dure sur des dizaines, des siècles même. Et là, en un an, deux ans, cinq ans, dix ans, trente ans, on voit les changements. On voit les changements, les usines, la production, les échanges. Étant donné que le système capitaliste est un système dans lequel il ne doit pas y avoir d'arrêt dans l'échange entre la production, la réalisation du profit sur le marché, etc., ça se traduit par la modification radicale des moyens de transport, puisqu'il faut aller vite. Donc la marine, la vapeur, les chemins de fer, enfin tout ça, ça fait une transformation qui fait que les gens sont devant et ils regardent, ils sont ahuris, absolument ahuris, ceux qui réfléchissent, ceux qui écrivent. Et le prolétariat moderne est considéré comme une catégorie, tant pis pour elle, si elle n'est pas capable de produire des intellectuels capables de vivre correctement et tout. Ils ont une richesse, c'est leur force de travail, et bien qu'ils travaillent, et s'ils ne peuvent plus, ils n'ont qu'à crever et disparaître. Ils sont inutiles, ils ne sont utiles que pour autant qu'ils produisent. Et par conséquent, c'est la formule de Daniels qui avait étudié la situation de la classe ouvrière en Angleterre, qui en a fait un bouquin absolument remarquable, quand on voit le travail des femmes, le travail des enfants, sur lequel on est en train de revenir en France en ce moment, eh bien il dit, ils bâtissent des palais et ils vivent dans des caves. C'est ça. Toute la société a été fabriquée, produite, transformée par cette main-d'œuvre et elle n'a aucun droit, aucun pouvoir. Elle n'a même pas le droit de s'organiser, de revendiquer, puisque un des premiers gestes politiques de la Révolution de 1789, ça a été de voter la loi qui interdit aux prolétaires et aux particuliers de s'organiser de manière indépendante, puisque comme tout le monde est un citoyen, tout le monde a les mêmes droits, c'est la Déclaration des droits de l'homme, et du citoyen. Donc, par conséquent, tout le monde ayant des droits égaux, eh bien, il est interdit de s'organiser à part, sous prétexte qu'on est dans des conditions de vie ou de travail particulières. Il faut le faire savoir par les cheminements, les réseaux et les structures de l'État qui sont démocratiques, qui sont le produit de la Révolution. Et donc, la loi Le Chapelier est la loi qui, d'ailleurs, sera liquidée à la fin du XIXe siècle par la classe ouvrière elle-même, son droit de grève et tout, mais qui va imposer une espèce de camisole de force à l'ouvrier pendant tout le XIXe siècle. La bourgeoisie, elle a un boulevard devant elle. Mais ce boulevard, il commence à être encombré par des obstacles qu'elle fabrique elle-même, qui sont justement les ouvriers, parce qu'elle ne peut absolument pas vendre et produire et réaliser son profit sans qu'il y ait eu cette richesse produite par la force de travail de l'ouvrier qui ne lui est pas payée et qui est récupérée par le capitaliste. C'est le fond du système encore jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, la conscience que cette classe a d'elle-même ne se construit pas en pressant sur un bouton. Il faut qu'elle s'affronte de manière physique, violente, terrible, avec son adversaire qui a tous les droits sur elle, pour que son droit à vivre se construise de l'intérieur petit à petit. D'abord le temps de travail, essayer de travailler moins, c'est-à-dire d'être exploité moins, ne serait-ce que pour dormir, de pouvoir manger, de pouvoir se reproduire, de pouvoir avoir des conditions minimum d'être humain, dans la mesure où c'était vraiment une exploitation transformant les gens en bêtes. Il fallait voir les usines de filature, de tissage, qui étaient les premières grandes surfaces d'usines, avec des armées d'ouvriers, d'ouvrières, qui arrivaient à la maison le soir. Elles n'étaient pas, elles ne pouvaient plus faire quoi que ce soit, elles n'arrivaient même plus, elles n'avaient plus leurs règles quand elles étaient jeunes filles. Et les curés dans la région de Grenoble, par rapport aux usines qui étaient dans cette région, des soyeux en particulier, faisaient des rapports alarmistes au préfet, en disant « Attention, nos filles, quand elles reviennent au village le dimanche, le samedi, elles ne peuvent même plus aller à la messe parce qu'elles dorment le dimanche matin. Elles dorment, elles sont pâles, elles sont maigres, elles n'ont plus leurs règles, elles ne pourront pas faire de bébé. » Ce rapport. Donc la bourgeoisie était en train de détruire la poule aux œufs d'or. Et qui aurait remplacé ces gens-là? Donc c'est de l'intérieur de la classe qu'il faut que la résistance pour vivre puisse se faire. Et alors il y a toute une série d'utopies, de formes, mais les revendications se font à partir du temps de travail, pour vivre. Et c'est à travers cela, alors il y a la petite bourgeoisie elle-même s'organise, et elle s'organise dans des conditions difficiles qui sont des conditions de clandestinité. Le symbole, c'est bien entendu Blanqui, Auguste Blanqui, qui a l'honneur d'avoir une petite rue à Marseille, alors que Adolphe Thiers a un lycée et une rue et un institut. Je ferme cette parenthèse horrible, mais on aura un jour raison. Donc Blanqui, c'est le symbole de celui qui construit une organisation clandestine qui doit pouvoir surgir toute armée, dans laquelle les adhérents se connaissent entre eux par conspiration, qui ont leur fusil à la maison, un fusil avec ils fabriquent eux-mêmes leurs balles, c'est la différence avec les fusils de la fin du siècle, qui comporteront des cartouches toutes faites avec un calibre qui fait que les gens ne pourront plus fabriquer leurs munitions eux-mêmes à la maison. Et c'est l'armée à ce moment-là, ce sont des fusils fabriqués par l'industrie moderne. Et donc à l'époque de Blanqui, ils ont leur fusil à la maison, où ils peuvent tirer les cartouches qu'ils fabriquent, ils coulent le plomb, hein, ça c'est les enfants, c'est connu, derrière les barricades, on le voit. Et Blanqui n'a pas confiance dans la classe ouvrière. Il n'a confiance que dans cette cohorte qu'il a lui-même recrutée, organisée, sur la base de regroupements, dans la mesure où il peut les maîtriser par des mots d'ordre, de réunions, de surgissements. Et son idéal, c'est de pouvoir faire surgir en armes 10 000 hommes devant l'hôtel de ville de Paris, sans que l'adversaire le sache. Donc c'est le contraire d'une insurrection en masse de la population qui était la condition de la révolution. Lui, il croyait qu'il pourrait prendre le pouvoir, alors que le pouvoir, pour être pris, doit être pris par l'immense majorité d'un peuple et non pas par une minorité dans un coin. Alors, la révolution de 1789-92 a donc accouché d'une bourgeoisie au pouvoir qui a les pleins pouvoirs, sans discussion possible, et qui fabrique lentement mais assez rapidement cette classe ouvrière qui va lui contester son existence. Et on en arrive, alors il y a l'échec. La République est donc abolie, détruite par Napoléon Ier, par Bonaparte, le 18 Brumaire, en ce qui correspond à 1799, en novembre. Il renverse cet édifice qui a été mis sur pied par le peuple, mais au compte de la bourgeoisie, et Napoléon est obligé de détruire cet héritage parce qu'il est synonyme de révolution et il a juré à la bourgeoisie qu'elle allait pouvoir dormir tranquille. Donc pour qu'elle puisse dormir tranquille, il faut abolir la République et il instaure l'Empire. Mais quand il s'effondre, vu que c'est un régime de crise l'Empire, c'est un régime militaire, c'est pas un régime civil comme aux États-Unis, la République américaine, qui en est toujours à sa constitution d'origine aujourd'hui. C'est un signal, ça peut ne pas durer longtemps. Donc, Napoléon constitue un régime de crise permanente qui ne repose que sur l'armée et les victoires de l'armée, et dès qu'il est descendu en flammes sur le front, eh bien, il s'effondre et il faut trouver quelque chose d'autre. Or, la bourgeoisie ne veut pas qu'on revienne à la République, parce que le retour à la République, c'est le retour à la Révolution, et l'Empire a été mis pour écraser la Révolution. Alors on fait revenir les frères de Louis XVI, minables, les uns après les autres, le gros Louis XVIII, qui s'enfuit tout de suite. Il est ramené par les Russes qui campent sur les Champs-Élysées. Après, et il y a les 100 jours. Alors lorsque Napoléon redébarque de l'île d'à côté, là, l'île d'Elbe, et où il revient par le cheminement, par Grenoble, il ne veut surtout pas prendre la vallée du Rhône, parce que c'est les royalistes qui la tiennent, donc il chemine et il est reçu à bras ouverts, à bras ouverts, à bras ouverts. Et lorsqu'il arrive près de Paris, Louis XVIII fout le camp dans la carriole dans laquelle il était, et après l'échec des 100 jours avec Waterloo, alors là, il revient, il est amené par les Autrichiens, les Anglais, les Russes et tout, et il s'installe donc aux Tuileries. Il ne s'installe pas à Versailles. La monarchie n'est jamais retournée à Versailles. Et il est là, c'est la Restauration, et il remet en place le drapeau blanc. Les Parisiens. Il veut, et Louis, son frère, alors quand il va mourir, lui, Louis XVIII, il est heureux, il va mourir dans son lit. Alors c'est son frère Charles X, qui est encore plus réactionnaire que l'autre, qui veut non seulement rétablir le drapeau blanc, mais qui veut faire un cadeau de 1 milliard sur les Français pour les verser à la noblesse qui est démigrée, qui avait émigré, qui avait perdu ses châteaux, qui avait brûlé et tout, 1 milliard. Et puis, liberté de la presse, plus rien, enfin, toutes les libertés, un régime complètement censitaire, vraiment la haine qui se développe. Mais les structures internes de ce régime, de ce faux retour à l'ancien régime, il avait réinstauré le fait qu'on portait la culotte, hein, comme avant, avec des boucles sur la chaussure, les perruques avec la poudre blanche sur la tête, c'était incroyable. Ça me fait penser au bal des vampires, si vous l'avez vu, dans le film de Polanski, c'est exactement ça. Alors, cette société d'ancien régime, qui est là, posé comme une espèce de mousse anachronique, incroyable, et la population parisienne, les bourgeois, les grands, qui sont là, observent ce cirque avec circonspection. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et dès que les conditions internes de cette restauration font que la bourgeoisie ne peut plus se parler à elle-même, c'est ce qu'il s'appelle la liberté de la presse, ne peut plus faire du commerce sans qu'elle soit ponctionnée sous prétexte de l'Ancien Régime, à ce moment-là, elle se met en branle et ça donne la Révolution de 1830. Les trois glorieuses, 27, 27, 28 et 29 juillet 1830, et théoriquement, étant donné que c'est une insurrection parisienne avec des barricades, et Charles X, il est obligé de s'enfuir tout de suite, il s'en va, il a compris que sa tête était en jeu, il s'en va en Angleterre. C'est le plus proche, hein. Vous savez, là où il n'y avait pas encore l'Eurostar, mais les bateaux étaient bien rapides pour sauver une tête, avec leurs femmes, leurs cours. Et immédiatement, la bourgeoisie veut interdire le fait que cette révolution débouche sur une république, parce que ça l'institutionnaliserait. Alors, ils rétablissent la monarchie, c'est la monarchie de Juillet, avec un descendant de la branche qui avait voté la mort de Louis XVI, donc c'était une garantie quand même, et il s'installe, et c'est la monarchie de Juillet. Alors la monarchie de Juillet, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, le costard bourgeois, le roi avec sa canne, le chapeau et tout, il circule, enfin c'est le symbole, hein, comme quand Giscard d'Estaing allait manger chez les citoyens, un petit repas sympa comme ça, bourgeois, quoi, parmi les autres, mais enfin, il est le roi. Et le pouvoir est de plus en plus personnel, parce que dans le pays, la classe bourgeoise qui a pris le pouvoir, ce n'est qu'une fraction d'elle qui a le pouvoir entre les mains. En particulier, la classe la plus productrice, la plus révolutionnaire de toutes, c'est-à-dire celle des capitalistes eux-mêmes, des propriétaires d'usines, les patrons, comme on dirait le patronat aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, ce sont les banquiers. Et les banquiers manipulent les profits, et par conséquent, il y a une rage de la part de cette catégorie sociale de la bourgeoisie qui n'a pas le pouvoir, qui a très peu de représentants. Le pouvoir, bien entendu, le suffrage est totalement censitaire. Il y a, combien il y a d'électeurs ? 250 000 électeurs qui représentent la bourgeoisie, une petite. Et donc, ils se partagent le boulot, le profit entre eux, le boulot, ils font ça. Et l'immense masse de la bourgeoisie n'a pas la parole. La liberté de la presse est continuellement réprimée, il faut payer des amendes, il faut payer, etc. Et donc, sous la monarchie de Juillet, une profonde transformation se fait à la fois par en haut, la bourgeoisie qui n'accepte pas, et à la fois par en bas, le prolétariat, qui se constitue de plus en plus en classe, et qui se révolte. C'est la révolte des Canuts à Lyon, ce sont les insurrections à Paris, dans des quartiers populaires, Et par conséquent, tout le monde sent que ça ne peut pas durer longtemps. Là, encore une fois, c'est toujours la crise perpétuelle. Je le rappelle, hein, en France, depuis 1789, le 14 juillet, la crise n'a pas cessé jusqu'à demain, le deuxième tour des élections présidentielles. Il faut avoir cette compréhension pour voir qu'il n'y a aucune stabilisation possible tant que maintenant, c'est la bourgeoisie qui va conserver le pouvoir, parce qu'elle ne le peut plus. Et donc, la conjonction entre le mouvement d'en haut qui conteste ce régime et qui a peur de la révolution et qui le conteste en faisant des banquets, c'est la campagne des banquets. Toute l'année 1846 et 47, la France se couvre de banquets parce qu'il était interdit de faire des meetings et des réunions publiques quand on est debout. Quand on est debout, c'est quand on fait un meeting, on s'adresse. Alors, quand on est assis autour d'une table et qu'on a une assiette avec de quoi manger dedans, on a le droit quand même de se parler les uns aux autres. Alors, la bourgeoisie organise des repas. C'est la bourgeoisie républicaine, ce sont les socialistes, la bourgeoisie qui se dit socialiste, ce sont les démocrates. Et c'est là, dans ce mouvement, que naît la libre pensée telle qu'elle deviendra institutionnelle. Hein. C'est dans cette période-là. Avant, il y avait des penseurs libres. Ensuite, il va y avoir des libres penseurs, c'est-à-dire qui s'organisent de ce point de vue, mais qui se développeront beaucoup plus après, parce que Napoléon va écrabouiller tout ça. Donc, les banquets, et en décembre 1847, tous ces républicains qui se rassemblent, qui ont des journaux, qui demandent le suffrage universel masculin, qui demande la liberté de la presse totale, qui demande des libertés simplement démocratiques, qui sont celles de la société de la démocratie bourgeoise classique, décide de faire un très très grand banquet à Paris en février. Le roi interdit le banquet de Paris. Et il y a conjonction. Alors, bien entendu, il y avait une crise européenne du point de vue de l'emploi. Il y avait des entreprises qui se fermaient, il y avait du chômage. Par conséquent, la revendication ouvrière était exacerbée pendant que la revendication bourgeoise démocratique était elle aussi exacerbée. Donc il y avait deux exacerbations qui se sont rencontrées, plus celle des étudiants. Ah oui, les étudiants commencent à apparaître en s'organisant et en voulant dire leur mot, eux aussi, à côté du prolétariat, à côté des bourgeois avancés, des révolutionnaires. Et par conséquent, cela se traduit par l'insurrection du 24 février 1848. Il y a des barricades. Il y a des barricades à Paris. Ce sont les ouvriers, bien entendu, qui les dressent. Ce sont eux qui sortent les fusils, c'est les blanquistes. Ce sont les blanquistes, il n'y a pas de marxistes du tout, ça n'existe pas encore. Marx est en train justement de publier à Londres le manifeste du Parti communiste en anglais. Et l'édition française suivra après. Mais elle vient de sortir en février, au même moment, c'est concomitant, mais ça n'a strictement eu aucun effet, de cause à effet. C'est simplement pour montrer que la conscience de ce qui se passait, de la constitution des classes sociales et de leur affrontement, devenait réellement conscient. Et bien entendu, la révolution et les barricades sont faites par en bas, et immédiatement elles sont chapeautées par en haut, par un gouvernement qui dit « La République, vous voulez la République, écoutez, ici nous ne sommes que parisiens, il faut que ça soit une décision nationale. » Par conséquent, attendez pour proclamer la République qu'il y ait eu un référendum national. On va se tourner vers les Français, c'est-à-dire les paysans, qui ont la trouille mortelle de la Révolution et de la République. Par conséquent, les bons bourgeois de Paris, qui ont la trouille de la Révolution, sont en train de lanterner les ouvriers parisiens qui ont qui se situent du point de vue de ce qu'en France, Paris... Et la centralisation, comme je disais tout à l'heure, et elle a un rayonnement sur la totalité du pays, ils veulent que la République soit proclamée tout de suite et à valeur nationale, parce qu'ils constituent quasiment la direction politique du pays en renversant la monarchie de Juillet. Et Raspail menace le gouvernement provisoire, parce que tout de suite ils se sont constitués en gouvernement provisoire, tellement ils ont peur eux-mêmes d'eux-mêmes, ils sont pas définitifs, parce qu'ils auraient pu se constituer en un gouvernement non provisoire, mais qui prenne les mesures jusqu'à ce que des élections générales soient organisées, mais des élections générales qui auraient pris du temps pour que dans tout le pays on puisse expliquer ce qui s'était passé à Paris, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on comprenne à Bayonne, à Brest, à Strasbourg, partout, que ce qui s'est passé à Paris en renversant cette monarchie de Juillet, mais c'était les libertés pour tout le monde, y compris les paysans. Et par conséquent, Raspail dit, si la République n'est pas proclamée dans la journée, il y a 200 000 hommes qui arrivent devant l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville, hein. C'est la municipalité de Paris qui concentre le pouvoir de toute révolution quasiment en France. Hein, c'est pas pour rien qu'il y aura la commune de Paris dans les locaux de l'hôtel de ville. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu politique. Et l'après-midi, à 5 heures, le gouvernement provisoire proclame la République et fait afficher sur tout Paris des affiches comme quoi la République est proclamée. Elle a eu la trouille de la classe ouvrière. Et alors c'est là qu'il est intéressant de voir un certain nombre de choses. J'ai ici un bouquin qu'il faudra mettre à jour, qui s'appelle « Les constitutions de la France depuis 1789 ». Toutes. Alors ça s'arrête à je ne sais plus laquelle, 1789, chaque fois qu'il y a une modification, avec les chiffres, avec qui, avec le contexte. C'est un remarquable petit bouquin. Oui, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Donc, elle proclame, cette République proclame immédiatement les grandes réformes démocratiques que tout le monde attend, le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage dans les colonies, la liberté totale de la presse, l'interdiction de supprimer un journal, enfin, toutes ces mesures médiocres qui avaient été prises depuis la Restauration sont abolies, et donc un vent de liberté extraordinaire règne sur Paris, on s'embrasse, on danse, c'est l'esprit de 48 arts. Mais le danger, c'est que toutes les couches particulières, toutes les catégories particulières de la population, depuis la bourgeoisie libérale, qui ne veut pas de révolution, jusqu'au prolétariat, qui lui veut la révolution, chacune de ces catégories a son mot à dire. Chacune veut que la Constitution soit écrite de son point de vue. Les prolétaires veulent que la Constitution comporte impérativement le droit au travail, qui est une nouveauté assez extraordinaire, et la bourgeoisie ne veut pas en entendre parler. Le droit au travail, il n'en est pas question. Regardez ce que Marx dit à propos du droit au travail. Alors il dit ceci. Un ouvrier qui s'appelle Marche, comment Marche, dicta le décret où le gouvernement provisoire à peine formé s'engageait à assurer l'existence des travailleurs par le travail, à fournir du travail à tous les citoyens, etc., etc. Et comme quelques jours plus tard, il avait oublié ses promesses, le gouvernement provisoire, et semblait avoir perdu de vue le prolétariat, une masse de 20 000, j'ai dit 200 000, c'est faux, une masse de 20 000 ouvriers marcha sur l'hôtel de ville au cri de « Organisation du travail, constitution d'un ministère spécial du travail ». À regret et après de longs débats, le gouvernement provisoire nomma une commission spéciale permanente chargée de rechercher les moyens, et non pas de proclamer, de rechercher les moyens d'améliorer la condition des classes laborieuses. Cette commission fut formée de délégués des corporations de métiers de Paris et présidée par Louis Blanc et Albert. Albert, c'était cet ouvrier qui avait réussi à être accepté par la bourgeoisie et mis là sur un strapontin. Donc on lui assigna le Luxembourg, c'est le siège actuel du Sénat, on lui assigna le Luxembourg comme salle de séance. De cette façon, les représentants de la classe ouvrière étaient bannis du siège du gouvernement provisoire, la partie bourgeoise de celui-ci conservait dans ses seules mains le pouvoir d'État réel et les rênes de l'administration, et à côté des ministères des finances, du commerce, des travaux publics, à côté de la banque et de la bourse, s'élevait une synagogue socialiste dont les grands prêtres, Louis Blanc et Albert, avaient pour tâche de découvrir la terre promise, de proclamer le nouvel évangile et d'occuper le prolétariat parisien. À la différence de tout pouvoir d'État ordinaire, ils ne disposaient d'aucun budget, d'aucun pouvoir exécutif. C'était plus petit que le strapontin encore. C'est avec leur tête qu'ils devaient renverser les piliers de la société bourgeoise. Tandis que le Luxembourg cherchait la pierre philosophale, on frappait à l'hôtel de ville la monnaie ayant cours. Et cependant, les revendications du prolétariat parisien, dans la mesure où elles dépassaient la République bourgeoise, ne pouvaient acquérir d'autre existence que la vie nébuleuse du Luxembourg. Et alors c'est là qu'il explique en quoi la revendication du droit au travail est une sorte d'utopie. Merci. Une utopie qui n'en est pas une, mais qui dans ce rapport de force en devient une par rapport au Luxembourg où ils sont dans un coin, dans une cage où ils peuvent discuter, alors là, librement, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, encore moins qu'aujourd'hui. Et Et cette revendication qui est complètement d'actualité, aujourd'hui vous savez qu'il y a des organisations qui demandent l'interdiction des licenciements, que par conséquent le droit au travail institutionnalisé, Marx aborde cette question d'un point de vue scientifique et non pas d'un point de vue sentimental. Il dit ceci: c'est de concert avec la bourgeoisie que les ouvriers avaient fait la révolution de février. Ils l'ont fait ensemble. Et donc, il faut faire ensemble. C'est aux côtés de la bourgeoisie qu'ils cherchèrent à faire prévaloir leurs intérêts, de même que c'était à côté de la majorité bourgeoise qu'ils avaient installé un ouvrier dans le gouvernement provisoire même. Organisation du travail, mais c'est le salariat qui est l'organisation bourgeoise actuellement existante du travail. Le salariat, c'est l'organisation bourgeoise du travail. Sans lui, point de capital, point de bourgeoisie, point de société bourgeoise, un ministère spécial du travail. Il se moque d'un ministère spécial du travail, Marx. Il dit, mais les ministères des finances, du commerce et des travaux publics ne sont-ils pas les ministères du travail bourgeois? Il ne peut pas y avoir de ministère du travail ouvrier. Parce que dans la société bourgeoise, il ne peut y avoir de ministère du travail que bourgeois, c'est-à-dire l'organisation même de la production dans les cadres de la société bourgeoise, de l'exploitation. Et les prolétaires demandent le droit au travail, ils demandent un ministère du travail. Mais les militants, ils disent ceci, par les ministères du travail bourgeois, à côté d'eux, un ministère du travail prolétarien ne pouvait être qu'un ministère de l'impuissance, un ministère des vains désirs, une commission du Luxembourg. Donc, l'apparition du prolétariat, avec son drapeau rouge, c'est là que le drapeau rouge apparaît dans l'histoire de la classe ouvrière, c'est là aussi que la libre pensée se dote du drapeau rouge, parce qu'elle s'est mise à côté avec le prolétariat. Par conséquent, ce prolétariat qui est à la source de cette révolution et de cette prise du pouvoir avec le fait que Louis-Philippe s'est enfui, cette classe ouvrière, elle gêne tout le monde, elle emmerde tout le monde, elle est de trop, il faut absolument l'éliminer. Et par conséquent, tout de suite, après les embrassades, les ronds de jambes, les bravos, les trucs, hein, la réalité reprend pied, se reconstitue, et toutes les couches de la bourgeoisie se trouvent dans une situation où il faut qu'elles éliminent cette classe ouvrière. Il faut qu'elles l'éliminent parce qu'ils ont les armes à Paris, donc nécessairement le choc va avoir lieu. On est en février, c'est en juin qu'il va avoir lieu le choc, c'est rapide, hein, quelques mois. Et la conscience que cette classe bourgeoise a de ses intérêts qui consistent à éliminer et donc on les met sur le champ de Mars à Paris. Ils sont là pour faire du terrassement. Ils ont des brouettes, ils ont des pelles, ils ont des pioches. Ils sont rassemblés par milliers, on leur fait faire des travaux de terrassement, et finalement, ça se transforme en meeting permanent. En meeting permanent, et ils touchent quasiment une obole, ça leur permet de vivre. Un sou, je ne sais plus combien, quelle est la somme, enfin, elle est très basse, mais pour pouvoir payer ces ouvriers ex-chômeurs devenant des ouvriers d'État, payés par l'État, par les impôts, le gouvernement provisoire impose un impôt spécial aux paysans en France, qui se mettent à détester ces prolétaires, qui sont des fainéants, qui sont là comme des parasites de la société. Et une haine dans tout le pays se dresse lentement contre les prolétaires de Paris, dans la mesure où ils vivent de cet argent des paysans. Alors, rapidement, ils peuvent être isolés, et même les bourgeois socialistes, les bourgeois démocrates, les bourgeois républicains s'isolent de plus en plus cette classe parce que ça ne correspond pas à leur idéal de bourgeois, même quand ils sont socialistes. Parce que ces ouvriers, eh bien, ils sont sales, ils mangent mangent mal, leurs femmes sont pas belles, elles sont exploitées, et ils ont des vêtements qui sont pas très jolis. Enfin, c'est des prolos, quoi. Et par conséquent, ils sont complètement isolés. Et le décret de suppression des ateliers nationaux sur la table du gouvernement provisoire est signé. Et par conséquent, c'est la provocation contre les ouvriers de Paris qui prennent des armes. Il y a l'insurrection, il y a des barricades. Ça dure 3 jours. La bourgeoisie fait un carnage, elle avait réussi à ramener l'armée, à recruter des jeunes soldats qui étaient contents d'être nourris et logés, alors qu'ils étaient chômeurs, comme d'habitude. Et donc, les journées de juin 1848 sont ce que Marx appelle une lutte des classes pure. D'un côté, le prolétariat tout seul, sans direction politique, sans un seul des chefs qui sont au gouvernement provisoire et autour et qui se disent socialistes, etc. Et donc, appuyés par Blanqui et d'autres, par les blanquistes, ils se défendent et ils sont écrasés. 3000 morts, plus de 3000, j'avais les chiffres. J'ai ici les chiffres, vous allez voir. Morts, plus 1500 fusillés sans jugement les jours qui suivent. 11 000 insurgés sont jugés. Nombre d'entre eux seront emprisonnés ou déportés en Algérie ou à Cayenne en Amérique. Donc voilà, le problème ouvrier est réglé. Écrabouillement, élimination, la table est nette. Et alors il se produit un phénomène politique extraordinaire. C'est que comme la classe qui a fait la révolution et qui a fait la République viendrait être écrasée, la République devient persona non grata. La République, qui est née de février 1848, brûle les doigts de tous ceux qui sont nés avec elle et qui se disent démocrates, qui se disent républicains, qui se disent socialistes. Et par conséquent, la bourgeoisie qui est au pouvoir marche en éliminant successivement toutes les petites conquêtes qui ont été obtenues et toutes les conditions sont réunies pour le coup d'État. En effet, le gouvernement provisoire a fait élire une assemblée constituante parce qu'en France, il y a une tradition qui sort des républiques issues d'une révolution. Il y a une assemblée constituante. Elle est là pour constituer, pour écrire. Parce que ceux qui vont écrire la Constitution ont un mandat, ils ont été élus. Et par conséquent, la première République a eu sa Constitution, il y en a même deux, 1792 et ensuite 1793, dont le dernier paragraphe disait que l'insurrection est un droit absolu. Il y a eu une Constituante en 1848. Il y a eu une Constituante en 1946. Il y en avait eu, bien entendu, dans le cadre, mais difficile, de la Commune de Paris et de la Troisième République. Mais il n'y a pas eu de constituante pour la Cinquième République. Dans un cabinet, le général de Gaulle a mis 3 institutionnels et ils ont écrit en 48 heures une constitution qu'ils ont soumise au peuple. Je ferme cette parenthèse. Donc, l'existence d'une assemblée constituante. Et vous allez voir ce qui va suivre, je veux dire, dans les événements, parce qu'il est question d'une 6e République, est-ce qu'elle va être promulguée par décret ou par une constituante souveraine qui déciderait de comment les choses doivent se passer pour le peuple? Tout est ouvert à partir de maintenant, on est en crise. Et en 1848, une assemblée constituante qui décide que l'on mettra à la tête de la République un président de la République, élu au suffrage universel. C'était un renoncement à la démocratie. Parce que l'Assemblée nationale, qui est fondée sur des députés qui ont le mandat d'un certain nombre de citoyens d'une circonscription, lorsqu'ils sont réunis, les 500 ou 600 députés à l'Assemblée nationale, ils constituent la volonté nationale souveraine. À eux seuls, chaque député ne représente pas l'endroit où il a été élu, il représente la France tout entière. c'était ça pour la Première République. On ne voulait pas de président de la République parce qu'on aurait restauré une monarchie. Il ne voulait surtout pas restaurer une monarchie. Alors il y avait un président de l'Assemblée nationale qui était remplacé de temps en temps, et c'était lui qui dirigeait les débats. Mais il y avait une concentration du pouvoir entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Là, l'Assemblée, la constituante de 1848, se débarrasse de son pouvoir souverain en déléguant le pouvoir à un président de la République qui lui peut dire « Ah, mais moi, sur ma personne se concentre la volonté de tous les Français. Chaque député ne représente qu'un petit nombre, mais lui, hein, c'est comme quand de Gaulle modifiera la constitution numéro 5 par le suffrage universel dans lequel on est en plein dedans en ce moment. Et la République le préambule de la Constitution, qui est donc adopté le 4 novembre 1848, après les massacres, le préambule commence par « en présence de Dieu ». La Seconde République est dominée par la présence de Dieu. C'est la première phrase. « En présence de Dieu et au nom du peuple français, l'Assemblée nationale proclame « La France s'est constituée en République ». Elle reconnaît des droits et des devoirs. Elle a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité, mais elle a pour base la famille, le travail, la propriété et l'ordre public. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Alors, les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limite que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. La presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure. L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. Alors, la Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La liberté du travail, c'est évidemment interdire le droit de grève. C'est le maintien de la législation de 1789. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapport entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires et l'établissement par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. Elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir. Donc c'est l'instauration de la... ça y est, toujours ce mot m'échappe. La méthode des curés pour venir en aide aux pauvres, c'est la charité. J'arrive pas à prononcer ce mot. Moi, je suis pour la solidarité. Et bien entendu, je suis pour la sécurité sociale. Je ne suis pas pour les caisses de charité des curés, si vous vous en doutez. Et par conséquent, l'exécutif. Ah, le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République. Le président de la République est élu pour 4 ans et n'est rééligible qu'après un intervalle de 4 années. Donc 4 ans, ensuite il ne peut plus pendant 4 ans et il peut... Dans 4 ans. Ça va être la source du coup d'État du point de vue des conditions institutionnelles, parce que dans ces conditions où la République est en train d'être rejetée par tous, qui se présente aux élections de président de la République ? Oui, Napoléon Bonaparte, le neveu. Alors, le nombre de voix qu'il a eu, au 10 décembre, voilà, le 10 décembre 1848, élection du président de la République au suffrage universel, il y a à peu près 9 millions d'électeurs, ce sont que les hommes, n'est-ce pas, les femmes ne sont encore rien. Donc, 9 millions d'électeurs, Bonaparte a 5 millions et demi de voix, et tous les autres candidats groupés en ont 1 900 000. C'est donc un plébiscite complet, un référendum sur un type, ce qui risque de se produire demain, sur un personnage que je ne nommerai pas ici, et où toute la presse d'aujourd'hui, d'une manière incroyable, appelle à voter comme si le fait que chacun dans l'isoloir ait la liberté de son vote n'existait plus. Les élections, elles ont eu lieu après son coup d'État ou... Avant, il est élu quelle date, là en 1800. En 1800 ah. Non, non, mais là, là c'est en 1800. 48, ah oui, le 10 décembre 48, dans la même année, dans la même année, tu as eu la révolution de février. 10 décembre 1851, c'est pour ça que je comprends. Non, 10 décembre 48, c'est l'élection du président. Il a quasiment entre les mains toutes les conditions pour préparer son coup d'État. Dès le début, il se met autour de lui une équipe qui va réfléchir à comment préparer le coup d'État. Il se met l'armée de son côté, la police, etc. Il met même de son côté des bandes qu'on va appeler les bandes du 10 décembre. C'est Marx qui les appellera ainsi. C'est quasiment les ancêtres des bandes fascistes, hein, les gros gourdins, pour faire la police dans la rue. Il y a une statue des mains de notre sculpteur et peintre marseillais. Il a donné son nom au lycée. Buget. Mais non, c'est le lycée Honoré Daumier. Honoré Daumier. Honoré Daumier. Cette merveille, cet artiste extraordinaire dans l'expression des classes sociales avec son coup de crayon noir. Il a fait une statue qui représente ce personnage qui est un ancien demi-solde des armées de Napoléon, qui n'a qu'une idée, c'est de remettre Bonaparte au pouvoir, qui est un garde du corps et quasiment un facho d'aujourd'hui, qui a son gourdin et qui constitue donc les bandes du 10 décembre, la société du 10 décembre. Napoléon a créé une société du 10 décembre, qui est une société d'entraide, mais qui va être celle-là, c'est-à-dire un parti politique de Nervi. Et chaque fois que les républicains font une réunion publique, enfin c'est plus ou moins, les interdictions se font, il faut payer des amendes, de plus en plus tout ce qui est démocrate et républicain, ne parlons pas de tout ce qui pouvait être socialiste, est interdit, même le droit de vote, le suffrage universel qui avait été acquis par février est aboli, il faut un droit de résidence, ce qui fait que énormément qui avaient le droit de vote non plus, et par conséquent, la République abolit le suffrage universel après l'avoir, alors que la Révolution l'a instauré. Bonaparte récupère toutes les revendications, toutes les rages, tout ce qui peut exister contre la République, et il devient celui sur qui se concentre l'espoir d'un régime bourgeois dans lequel on va faire disparaître définitivement toute idée, tout espoir de révolution, et pour ça il faut gommer le mot république. La république est devenue le danger commun. Et donc par conséquent, le président de la République choisit le 2 décembre 1851 parce que les élections vont approcher. Il est élu pour 4 ans, il n'est pas rééligible. Il a organisé dans tout le pays une gigantesque pétition pour que l'on abolisse le paragraphe de la Constitution de 48 qui interdit la réélection immédiate. Le nombre de, alors la pétition est tellement importante que l'Assemblée nationale est obligée d'en discuter. Mais la modification de la Constitution ne peut être approuvée que s'il y a 75% des députés qui l'acceptent. Or, il n'arrive pas à ce chiffre. Il y a 60% des députés, donc par conséquent, la modification ne passe pas, et donc Bonaparte sait qu'il doit aller faire le coup d'État. Il fait le coup d'État, tout est préparé du point de vue du commandement militaire, du commandement de la police, des différents postes de commandement, l'armée est rassemblée et tout, et alors que Bonaparte est à l'opéra, dans la nuit, des dizaines de députés et de militants de gauche sont arrêtés à leur domicile, un peu comme le coup d'État de Pinochet, vous voyez, on est allé les piquer. Et le lendemain, il fait placarder des affiches comme quoi le gouvernement de la République est entre les mains de Bonaparte, de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, et les barricades vont s'installer. Il va y avoir des affrontements assez violents. Je crois que c'est à peu près 400 morts qu'il y aura à Paris avec des tas d'arrestations. Mais le prolétariat de Paris ne se soulève pas. Bonaparte le savait, parce que comme les républicains avaient fait massacrer les ouvriers en juin 1848, il ne voulait pas protéger une classe et des représentants qui les avaient massacrés. Et donc, ça a été un boulevard pour Napoléon, mais la résistance s'est développée dans le sud de la France. Elle s'est développée dans le sud de la France, et en particulier dans les départements des Bouches-du-Rhône, dans les départements du Var, dans le Vaucluse, également de l'autre côté du Rhône, dans l'Hérault. Alors, ici, j'ai ici quelques textes qui montrent comment la résistance s'est organisée et comment elle a été liquidée assez rapidement. Voici le texte de l'affiche qui a été placardée à Paris lors du coup d'État. « Au nom du peuple français, le président de la République décrète. L'Assemblée nationale est dissoute. » Or, c'était interdit par la Constitution. C'était en ce sens que c'était un régime présidentiel, mais c'était pas l'Assemblée nationale ne pouvait pas être dissoute par le président. Article 1, elle est dissoute. Le suffrage universel est rétabli. Vous rendez compte? Napoléon rétablit le suffrage universel, une liberté démocratique élémentaire que les républicains bourgeois venaient de supprimer parce qu'ils avaient peur des ouvriers. La loi du 31 mai est abrogée. Le peuple français est convoqué dans ses comices à partir du 14 décembre jusqu'au 21 décembre suivant. L'état de siège est décrété dans l'étendue de la première division militaire, c'est Paris. Le Conseil d'État est dissous. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, fait au palais de l'Élysée le 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte et le ministre de l'Intérieur, c'est De Morny. De Morny qui était son demi-frère. Et par conséquent, la répression commence à s'organiser. Et ici, j'ai un texte qui montre comment ça s'est... Alors, c'est donc la commémoration du 150e anniversaire qui s'est produite dans le Var, dans cette région, et qui raconte comment les choses se sont passées. Et voici quelques textes, quelques éléments que je vais vous lire. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, une dépêche arrive à Toulon. L'Assemblée nationale est dissoute. La nouvelle parvient par voie d'affiche à 5 heures à Draguignan, à Grasse vers 10 heures. Des rassemblements républicains ont lieu à Toulon, à Draguignan. La dépêche annonçant le coup d'État arrive à Digne dans la soirée du 3. Le préfet Dunoyer s'empresse de publier les décrets présidentiels. 4 décembre, les républicains envoient des délégations dans la préfecture. Les républicains prennent le pouvoir au Luc, à Vidauban, à la garde freinée. Se joignent à eux les républicains de Saint-Tropez, Gassin, Cogolin, Grimaud. À Salerne, on danse la farandole et on chante la Marseillaise. À Cuers, la manifestation tourne au drame. Un gendarme est blessé, un autre tué. Le maire est arrêté, la gendarmerie saccagée. Dans les Basses-Alpes, le préfet fait arrêter l'avocat Charles Cotte et 4 autres républicains influents. Une vive émotion se manifeste dans le chef-lieu du département. 5 décembre, soulèvement général des campagnes, mais la police réagit et en décourage plus d'un. Arrestation à Toulon, alors que les républicains, 3 à 400, se réunissaient au Mourillon. L'insurrection républicaine forte à QRC hier va être réprimée. Prise de pouvoir républicain à Besse, Saint-Zacharie, Saint-Maximin, Salerne et dans les communes voisines. de Manosque, dont la municipalité est tout acquise aux idées républicaines, une colonne de plusieurs centaines d'hommes part au matin sous la direction de l'ancien maire, également révoqué. Elle comprend 1 000 000 d'individus à son arrivée à Fort-Calquier en fin de matinée. Les républicains n'ont aucun mal à s'emparer de la mairie et de la sous-préfecture, ainsi que de la gendarmerie et de la recette particulière. Le sous-préfet et le substitut du procureur de la République sont arrêtés. 6 décembre, au matin, les républicains de Sisteron, renforcés par les contingents des communes rurales environnantes, dont un contingent venu des Hautes-Alpes, se rendent maîtres de la ville. Toulon et sa région proche est aux mains de l'armée. À Draguignan, les deux camps s'équilibrent, mais le reste du Var est aux mains des municipalités insurrectionnelles. Les insurgés se regroupent au Luc et à la garde freinée. Leurs deux colonnes se rejoignent le soir à Vidauban. Une colonne républicaine va de Vidauban aux Arcs. Elle est rejointe par les insurgés de Bagnols-en-Forêt, du Muy et du Puget. Prise de pouvoir républicain à Barjols et insurrection des localités autour d'Ops. C'est à Ops qu'il y a actuellement un monument à la mémoire des insurgés, avec tous leurs noms. Il y a dans le cimetière un petit musée dans lequel se retrouvent encore des défroques de l'insurrection. Je vous signale que il y a encore des familles qui ont la mémoire de leurs ancêtres qui ont participé à l'insurrection. La République, la Troisième République, en 1883, a accordé aux rescapés de la répression et aux exilés ou aux proscrits une indemnité, comme quoi ils étaient rétablis dans leurs droits et la République les honorait. J'y reviendrai sur cette question. Et donc, à Ops, si vous y allez, vous pourrez aller voir sur la place ce monument à la mémoire des insurgés, qui est complètement distinct d'un monument à la victoire, à la République, je veux dire. Et d'autre part, si vous allez au cimetière, vous aurez cette espèce de petite baraque où il y a encore un drapeau assez usé, bien sûr. Alors, je l'avais dit, le 8 décembre, dans le Var, la colonne insurrectionnelle reçoit à Salerne les renforts venus de Barjols et du Haut-Var. On fabrique des balles et des lances. Le soir, l'avant-garde de la colonne est à Ops, où la rejoignent les insurgés des localités voisines. Ils vont se regrouper et se retrouveront près de 3 000 à Ops. Pendant ce temps, un corps d'armée venu de Marseille, à Marseille, l'armée a rapidement sous-liquidé, occupe Brignoles. Le 50e de ligne venu du Luc est à Lorgues à 11 h, puis à Flayosque et Draguignan, où le préfet peut partir pour sa nouvelle affectation à Mâcon. Seul dans les Basses-Alpes, la résistance républicaine va durer plus longtemps qu'ailleurs. Dans la nuit du 7 au 8, le mouvement insurrectionnel éclate à Barcelonnette, jusque-là resté calme. Un comité de résistance est constitué. Il administrera la ville et ses environs pendant plusieurs jours. À Digne, dans la matinée, les insurgés allument un grand feu de joie dans lequel sont brûlés des papiers et registres des contributions indirectes. Castellane accueille avec enthousiasme une colonne d'insurgés venant de Digne. Vers 5 h de l'après-midi, la nouvelle parvient qu'un bataillon du 14e léger, parti la veille de Marseille, marche sur Digne. L'armée insurrectionnelle bivouaque aux abords de Malijaille. Le 9 décembre, l'armée régulière marche sur les Basses-Alpes. Le 50e de ligne se repose à Draguignan. Une colonne venant de Marseille arrive à Brignoles et renvoie la municipalité insurrectionnelle. Colombrières est occupée par 2 compagnies en provenance de Toulon. Et dans les Basses-Alpes, ce sera le combat des Mets. La grande route, avant d'arriver aux Mets, est serrée entre la Durance et les hauteurs escarpées. Vous voyez le paysage, là, cette espèce de structure et de sculpture dans la roche, vu de l'érosion. Donc, les républicains se défendent avec énergie, courage et détermination. Le colonel Parson ne s'obstine pas à enlever une position aussi forte et bien défendue. Il bat en retraite jusqu'à Verdun. La plupart des meneurs républicains donnent aux insurgés pourtant invaincus le signal de rompre les rangs et de regagner leur foyer. En même temps, dans la nuit, les derniers insurgés restés sur place à Digne abandonnent la préfecture. Le 10 décembre, c'est 8 jours après le coup d'État, l'armée réoccupe le département des Basses-Alpes en quelques jours. un bataillon du 21e léger entre à Manosque et rétablit l'ordre à Château-Arnoux et dans le canton de Vologne, le 12. Les troupes des Hautes-Alpes réoccupent Sisteron le 10, Digne le 12 et Barcelonnette le 15. Fort Calquier réoccupé le 12 et Saint-Étienne-des-Orgues le 14 par un détachement du 54e de ligne envoyé du Vaucluse. En quelques jours, elles tiennent tout le département, déclaré en état de siège le 9. Donc, par conséquent, le 14 décembre, avec les réoccupations de Saint-Étienne-les-Orgues le 14 et de Barcelonnette le 15, tombent les derniers bastions insurgés de France. Donc, à peine 15 jours après, la résistance est éliminée de ces départements où elle avait été très vive. Ça ne s'était pas traduit par une insurrection du peuple tout entier. Ça s'était traduit parce qu'il y a eu des colonnes avec des volontaires en grand nombre, mais pas de manière excessive. Et bien entendu, en ayant devant soi l'appareil d'État et l'armée, ça ne faisait pas le poids, il ne pouvait qu'être éliminé. Un problème aujourd'hui, c'est que ces insurgés se sont insurgés pour défendre la légalité de la République. Or, il n'y a rien aujourd'hui ou dans toutes les écoles, vous savez, je suis prof d'histoire, je suis à la retraite depuis 3 ans, mais j'étais prof pendant 22 ans au lycée Saint-Exupéry, quartier nord de Marseille. On nous rebat les oreilles avec la citoyenneté, avec le fait qu'il faut être républicain plus que républicain. Tu meurs si tu n'es plus républicain qu'en ce moment, vous avez vu, il faut sauver la République, il n'y a que ça. Eh bien, ceux qui ont voulu sauver la République en 1851, au moment du coup d'État, ne sont pas honorés. On leur a donné une obole en 1883, et il n'y a aucun monument en France, il n'y a aucune cérémonie, il n'y a aucune date dans le calendrier qui permettrait d'honorer un moment où, en tant que tel, des citoyens ont défendu la République. Le principe de la République, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, qui peut décider pour lui-même des conditions dans lesquelles il doit s'organiser, se diriger. Et je pense que c'était un des éléments. La révolution de 1848, le coup d'État du 2 décembre et la résistance au coup d'État sont des problèmes qui sont étudiés par les universitaires. Vous avez des bouquins, il y a des bouquins de littérature, mais ça n'a rien à voir avec 1789 et le 14 juillet. Je vous rappelle que le 14 juillet que nous fêtons chaque année n'est pas le 14 juillet 1789. C'est le 14 juillet 1790 de l'année qui a suivi, où les révolutionnaires, c'était la constituante, ont décidé de convoquer à Paris, au Champ de Mars, des délégations venant de toute la France pour que la prise de la Bastille soit le fait de la totalité des citoyens français et non pas le fait uniquement des Parisiens, parce qu'ils étaient conscients que Paris étant le chef de tout le mouvement, mais il est venu à Paris avec un enthousiasme extraordinaire et cela a constitué la nation française. La nation française telle qu'elle existe aujourd'hui, avec tous les particularismes qui pouvaient exister ailleurs, eh bien, ont été surmontés. Bien entendu, ces particularismes existaient, ils étaient le produit de l'histoire. Mais le fait que la République abolissait, pas la République, la monarchie constitutionnelle, la prise de la Bastille, ensuite ce sera la République quelques mois après le renversement des Tuileries, en particulier par le bataillon des Marseillais, et le bataillon des Bretons. Bretons et Marseillais, même combat. Hein. Donc, il y a eu une submersion politique dans la conscience des peuples particuliers des provinces françaises, une conscience au-dessus de ces consciences particulières d'appartenir à la nation française, parce que la Révolution venait d'abolir la monarchie et la féodalité. Toutes les lois féodales étaient abolies, tous les privilèges étaient abolis, que l'on soit dans le Pays basque, que l'on soit dans le midi de la France, que l'on soit en Bretagne, en Alsace ou partout. Et par conséquent, c'est cette abolition des privilèges qui a été le ciment constitutif de la nation française. Parce que c'était les privilèges qui la divisaient contre elle-même, à travers toute une série de provinces où les héritiers de la noblesse d'Ancien Régime, avec leurs fiefs, divisaient les sujets du roi. Et par conséquent, tous les Français, tous les habitants du royaume, puisque c'est encore le royaume, cessent d'être des sujets pour devenir des citoyens. Abolition des privilèges et devenir tous des citoyens liés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen fait que ça a aboli, dans un certain sens, les particularismes qui, au contraire, continuent d'exister en Espagne, où il n'y a pas eu de révolution bourgeoise réelle qui a aboli l'Ancien Régime, ou en Allemagne, cela n'a pas été fait de la même manière, et où il reste les Länder, qui étaient des monarchies, des royaumes, des duchés, ou même en Italie, où les choses ont été plus difficiles. En France, c'est le lieu par excellence de la constitution du peuple français en nation française. Alors aujourd'hui, il y a des mouvements particuliers qui essayent de dire que il faudrait y revenir, mais en réalité ça ne marche pas. Regardez la différence entre la conscience que les Basques ont d'eux-mêmes en Espagne et la conscience que les Basques français ont de ce côté-ci. Il peut y avoir une certaine amitié, je veux dire, il peut y avoir une relation de sympathie. On peut venir se réfugier, trouver un logement dans une cave, dans un grenier, quand on est en Pays basque français et qu'on est poursuivi en Espagne. Mais il n'y a pas un soulèvement populaire en France, comme il est en Espagne, en Pays basque, je ne sais pas, en Euskadi, où il y a là le peuple tout entier élu des députés par dizaines et dizaines de milliers des municipalités qui veulent l'autonomie ou l'indépendance. En France, ça n'existe pas. C'est un produit de la Révolution française qui nous a tous constitués en nation. Et cela est enseigné à l'école. Et je pense que c'est quelque chose qui nous soude tous. C'est mon opinion, bien sûr. Il peut y avoir des divergences là-dessus. Alors voilà. Je pense que cette révolution de 1848 et cette république numéro 2 qui a duré 3 ans et demi et qui a été éliminée et écrasée par le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte a été occultée de notre histoire en France. Elle n'apparaît que de manière subreptice, un peu clandestine, parce qu'elle a été sauvagement réprimée par la bourgeoisie elle-même. Alors qu'en 1789, c'était cette même bourgeoisie, qui n'était pas la même, enfin c'était elle en tant que classe, qui était révolutionnaire jusqu'au bout. Comment se fait-il qu'elle ait trahi et qu'elle ait laissé passer, et qu'elle ait même voté, qu'elle a voté pour ce personnage un peu falot, un peu fou, un peu dingue, repris de justice, il avait été en tôle, il avait vécu vraisemblablement d'une prostituée en Angleterre qui lui avait vendu tous ses bijoux pour qu'il puisse revenir et préparer son retour. Et vous le voyez, aujourd'hui, on a honoré ce 150e anniversaire. J'ai terminé. Eh bien, merci de nous avoir rappelé cet événement historique qui n'a pas très bien été célébré, je trouve, parce qu'on n'en a pas beaucoup, enfin en tout cas les grands médias n'en ont pas vraiment beaucoup parlé. Et même dans la région, là je suppose que c'est des articles de la presse régionale, mais alors ça doit être vraiment de la presse très locale qu'on a parlé. Même la presse régionale, j'ai pas vu grand-chose. Donc on va peut-être entamer un débat, parce qu'il y a quand même pas mal de points intéressants qui peuvent être discutés et soulevés. Donc la parole est à vous. Je pense que c'est pas étonnant que le coup d'État, la révolte des départements occitans face au coup d'État de 1751 n'ait pas été promue dans les médias, parce que ça va totalement à l'encontre de la culture hexagonale, qu'elle soit monarchique ou républicaine. Le centralisme monarchique ou le centralisme républicain, c'est le même. La République de 1789 a fait que continuer le centralisme qui avait commencé à être en place par la monarchie. Lorsque tu as dit que, par exemple, le drapeau rouge est apparu en 1848 à Paris, pour la première fois en France, ben, je crois qu'il est apparu quand même en 1651 à Bordeaux, qui avait proclamé la République de l'Ormé. Une République qui a duré à Bordeaux pendant 18 mois. Mais ça, l'histoire de France, elle ne peut pas en parler. Parce que ça va totalement à l'encontre de la culture hexagonale. L'histoire de France ne peut pas parler de la révolte des vignerons de 1907. Elle ne peut pas parler de. Elle nous parle l'histoire de France, entre guillemets, entre parenthèses, de la commune de Paris, mais elle ne nous parle pas de la commune de Marseille, de la commune de Bordeaux, qui sont antérieures à la commune de Paris. Mais l'histoire de France ne peut pas en parler de ça. Parce que ça va totalement à l'encontre de la conception républicaine de la France une et indivisible. Et en niant l'histoire locale, l'histoire des régions, l'histoire de France, pendant des siècles, elle se déroule au nord de la Loire. En dessous, l'histoire de la France n'existe pas. Et le terme de situé, pour pas oublier quand même, je crois, si je ne me trompe pas, que lors de la croisade des Albigeois du sac de Béziers, les consuls de Béziers ont refusé de livrer les cathares parce qu'ils étaient citoyens de la ville de Béziers. Mais tout ça, ça dénote toujours de ce même sacralisme. Et donc, 1651, il y a l'histoire, comme tu as dit, c'est de Bobatengue qui a été fusillé même deux fois à Barjol. Ah, c'est quand même. C'est un paysan de Barjol qui a été pris, il a été fusillé. Le paysan du coin qui a, bon, il n'était pas tout à fait mort, il l'a amené chez lui, mais le lendemain il a eu peur, il a relivré aux soldats, qui l'ont remis debout, qui l'ont fusillé une seconde fois. Bon, ça fait partie de. Et bon, comme on dit, tu as parlé de la révolution de 1789 qui a aboli les privilèges et les lois féodales, mais dans lesquelles lois féodales, ben, les consuls de la ville de Salon, de Provence, en 1300, étaient élus au suffrage universel. Alors quand on dit que c'est la République qui a inventé le suffrage universel, eh bien non, le suffrage universel, il existait en Occitanie au Moyen-Âge. Et ça, mais c'est sûr que la République ne peut pas le reconnaître, elle ne peut pas l'accepter. Voilà pour le principe de ce que je voulais dire. Je profite de cette 30 secondes de silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un café? Ah oui, ça intéresserait combien de gens? Allez, levez le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatrième démocratie. Mais je comprends tout ce que je viens de dire. Il y a une chose que tu n'as pas entendue dans ce que j'ai dit. Cette chose, c'est la question des droits égaux sur la totalité du territoire. Mais ça a une force. Ça n'est pas contradictoire avec les endroits où un suffrage universel avait été arraché, où un droit particulier de nature républicaine ou locale ou occitane avait pu être arraché. Mais dans ce mouvement fantastique qui fait que les paysans, les citadins après Paris se sont retrouvés, parce que quand il y a eu la grande peur après la prise de la Bastille, à cette période où les paysans se sont dit, ça y est, on va en prendre plein la gueule, c'est pas possible que les Parisiens aient pris la Bastille. Toutes les armées du roi, il y a des soldats partout, ils croient. Il est dans une situation où il n'y a pas de téléphone et de radio et tout. On croit que l'adversaire est d'une force extraordinaire. Je vous signale que quand les Parisiens ont pris la Bastille, pendant l'âge, le lendemain, toute la nuit, la ville a été illuminée de torches, personne n'a dormi. Le lendemain, ils ont cru que l'armée allait investir, qu'il allait y avoir un carnage dans Paris. Il n'y a rien, rien, rien. Deux jours après, les députés de Paris à Versailles vont à Versailles pour dire ce qui s'est passé et veulent rencontrer le roi, en invitant le roi à Paris, en disant « venez voir, venez vous voir ». Alors, bien sûr, comme les Parisiens avaient exécuté le directeur, le président de la Bastille, qui lui avait coupé la tête dans la rue, et un autre, celui qui était le responsable, qui avait fait passer les poudres dans les caves de la Bastille, et où, par conséquent, les Parisiens qui voulaient les poudres étaient furieux par lui, il y a eu deux ou trois têtes. Et Louis XVI est invité Paris à l'hôtel de ville par les vainqueurs de la Bastille et de la suite, et il dit oui je viens, et il vient sans escorte, dans un carrosse avec deux ou trois personnes. Il descend, les Parisiens en armes lui font une double haie. Il arrive à l'hôtel de ville avec son chapeau, Lafayette l'attend en haut avec le nouveau maire de Paris, qui était un illustre astronome, mathématicien, son nom m'échappe ici. Ils le reçoivent, il a son chapeau sur la tête, le roi n'enlève jamais son chapeau. Et Lafayette lui met la cocarde tricolore dessus en disant faites, lui il bouge pas. Ils disent ah bon, vous êtes le nouveau maire et tout. Et puis il repart à Versailles. Les Parisiens n'en reviennent pas d'être les plus forts, ils s'en rendent compte qu'ils ont été les plus forts. Eh bien, les paysans non plus. Ils apprennent que la Bastille a été prise, ils prennent les armes et ils s'organisent pour être les plus forts. Ils croient qu'il va y avoir des troupes du roi qui arrivent. Ils vont au château, le château où on leur ouvre les portes et ils disent nous voulons les archives et on les brûle ici. Ou bien on leur ouvre pas les portes, ils prennent le château, ils brûlent le château, combien de châteaux ont brûlé. Et l'émigration va commencer. Et ils sont les plus forts. Que ça commence au Béarn, dans le bassin parisien, en Alsace, dans le Nord, partout. Partout dans les villages, les petites villes, la révolution devient universelle. La prise de la Bastille, c'est plus les Parisiens, c'est la totalité du territoire. C'est pourquoi ils ont pu réussir l'assemblée, la fête de le 14 juillet 1790, la fête de la nation, non, de la fédération. Fédération. La fédération. Et après, on est passé à la notion de nation. De fédération. Oui, mais le fait qu'ils soient passés à la nation, c'est parce qu'ils avaient des droits égaux. C'est pas un aspect juridique, ça. Ça, c'est un aspect concret. C'est comme quand on a tous la sécurité sociale. Si demain, les régions décident du niveau de remboursement de la sécu parce qu'il y a des industries ici et puis vous n'avez rien à côté, il n'y a plus de Français. Il y a une fédération avec ici des droits particuliers, d'autres droits. Ce qui faisait la nation, c'était les droits, les mêmes droits pour tous. Après, que l'on parle occitan, que l'on parle breton, ou alsacien, ou ailleurs, c'était un aspect second. Alors ça pouvait être l'objet d'une revendication, bien entendu, mais ça ne pouvait pas être l'objet d'une revendication détruisant la nation. Et c'est pourquoi je ne suis pas en accord avec vous, entre fédération et nation. La nation, elle est fondée sur des droits égaux. Mais... Je ne vois pas pourquoi une fédération impliquerait, semble-t-il, des droits différents. C'est pas parce qu'on est constitué en fédération qu'on aurait des droits différents. Tu sembles poser nation, droits égaux par rapport à fédération, droits différents. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi une fédération impliquerait des droits différents. Je vois pas. Mais tu n'as pas tort en disant ça, tu as tort. Je veux dire que la notion de nation, qui fait que la totalité des habitants d'un territoire donné, qui s'est donné un gouvernement, parce qu'en France, l'histoire fait, on n'est pas en Allemagne avec des villes, on a une espèce de monstre citadin, intellectuel, historique, dans lequel la totalité des pouvoirs sont concentrés depuis la monarchie absolue et même avant de droit divin, ensuite la République avec les Marseillais qui montent. Les autres qui montent, les bataillons bretons, ils viennent à Paris parce que c'est leur affaire. Je regrette, c'est leur affaire. C'est la nation. Les Marseillais n'étaient pas des... Ils voulaient que la République, enfin la République soit instaurée sur la totalité du territoire avec des droits égaux. Qu'il y ait une fédération. La fédération n'est pas un remplacement de la nation. C'est une forme d'organisation particulière qui fait que on se rapproche... Des citoyens d'une région donnée, de manière à s'administrer à l'intérieur des lois communes de la totalité de la nation, parce qu'on estime avoir des traditions, ceci et cela, mais ça ne met pas en cause le fait qu'on est dans la même nation. Sinon, il va y avoir 5 ou 6 nations dans le pays. Oui, non, moi, je mets en cause que ça n'est une nation. Pour moi, le terme de nation, c'est une vue de l'esprit. Ah, je comprends que tu dis ça. C'est une vue de l'esprit, le terme de nation. Le terme de nation, on voit où il nous amène, hein, Tissier qui met en avant le terme de nation actuellement, hein, et donc c'est Le Pen, si je vais demain, qui met en avant le terme de nation. Hein, et, c'est sous ce prétexte-là de nation qu'on en arrive là où on en arrive. Si on nous avait peut-être appris pendant des années et des années que justement la France était constituée de nations différentes, entre guillemets, qui, dans une égalité, etc., mais avec chacune de leurs particularités. Si on nous avait appris que dans le Sud, ben, le suffrage universel, alors il était avant, qu'en 1851, on a défendu les deux la conception républicaine, en s'opposant au coup d'État dans la couleur 3, peut-être on aurait une culture qui ne serait pas arrivée à cette nation centralisée, centralisatrice, hein, auquel les usurpateurs de la République ne sont pas étrangers. Parce que si tu veux, lorsque tu parles de nation, est-ce que d'accord, autour de quoi ça se constitue? Est-ce que ça se constitue autour de l'ordre? Est-ce que ça se constitue autour de valeurs pour toi qui as l'air de vivre? La valeur, c'est la condition du privilège. Il faut s'entendre, si tu veux, autour de quoi ça s'articule. Qu'est-ce qu'on appelle un peuple? Qu'est-ce qu'on appelle une nation? Quelle définition tu donnes à cela? Écoute, en 1896, à Marseille, la République décide de construire ce qui se trouve sur la corniche, le marégraphe. Le marégraphe va définir l'altitude zéro pour toute la France. Parce que sans cette altitude zéro, qui est la référence universelle pour construire des routes, des chemins de fer, des immeubles, des usines, avec quelle est l'altitude, comment on va la définir, il faut que ça existe. Voilà un élément de ce que j'appelle l'unité nationale.